Il faut pousser sur les jambes pour se propulser vers l'avant et réaliser un envol horizontal, puis placer les mains sur le tapis, les fléchir, enrouler la tête et rouler pour se relever.